Vous êtes assez fou pour l'écouter. 89.1. Assemblage requis est une présentation du service aux étudiants de l'UQTR. Le plan d'aujourd'hui, assemblage requis. Hey, c'est la fin de l'industrie du disque. On en discute avec Simon Fesbé. Oh. Oui, on parle politique avec François Landry. Pas du tout de moi faire ça. Non. Assemblage requis tout de suite. Bonjour et bienvenue à l'Assemblage requis en ce jeudi 12 janvier 2012, hein, 12-01-2012. Ouais, les 1 et les 2, hein, c'est à peu près ça. Ah, c'est beau. Ah, moi, c'est Mathieu Plante. Hey, enchanté. Hey, heureux de vous connaître. Bonne année, bonne monsieur. Bonne année. Oui. Vous êtes qui, vous? En tout cas, moi, Mathieu Plante, toi, François-Olivier Marchand, oh, je pense. Oui, c'est ça. Oui, c'est ça. L'homme qui passe un excellent matin. Un des pires matins de 2012. Bon, bah, ouais, c'est ça. En tout cas, le record va être battu un jour. Hein? Le record va être facile. J'imagine. Oui, c'est ça. Oh. Mais bon. Comme tu... Oui, il y a des matins comme ça. Il y a des matins de même. Un enfant qui attrape une gastro. Ouais, peut-être. Il va vomir partout. Oui, appelons-le Charlot. Charlot! Charlot! C'est Tom! On le salue, petit bonhomme. Ouais. Oui. Ben, c'est pour le. Il doit peut-être dormir. Hein, j'espère pour lui. Ouais. Moi, c'est quand j'ai la gastro, je dors. Ouais. Mmh. Ouais. Aujourd'hui, à l'émission, on va avoir Simon Fesbé vers les 8 heures pour parler de la fin de l'industrie du disque. Hein. On sait que c'est pas le média du futur. Ça, là, le petit plastique avec un trou dedans. Là. Non! Non. Non, à savoir combien de temps ça va durer encore. Il en reste pas si long que ça, on dirait, je pense. Il y en a plus de fêtes qu'il en reste à faire. Et voilà. À 8h30, on va voir François Landry, sa chronique politique. Aujourd'hui, il nous parle encore une fois de la CAQ à des culs. Ouh! Ouh! Chose que tu connais ce matin, CAQ à des culs. Right. Donc, c'est l'émission d'aujourd'hui. Sans commentaire. Il va aussi y avoir la chronique. Ça existe, mais ça devrait pas. On l'a. Mais on débute pour se mettre de bonne humeur avec un petit peu de Elliot Brad. Voici Northern Air au 89FM. C'est fou. Coup de vent, on appelle pas ça de même aussi quand ça. Tu laisses aller un petit coup de vent, là. Tu frisquais. Par les. Une petite bille. Par les fesses. Oh. Pourquoi tu passes toute ta fesse? Je suis allé trop loin. Oh. Excuse-toi. Je m'excuse. Ok. A little time away. Back up to the lakes. A little time to think. Let some trouble sink. Watch the sunrise. Light a little fire. Watch the smoky lines. Cut between the pines. Cut between the pines. Darkness in our minds. Shed a little light. So far away tonight. So far away tonight. So far. Travel on to We can see you there. Feu de poubelle par Méta Griot. Oh, du griot ce matin. Du griot ce matin. Oui, du bon. J'ai eu de ça, le griot, par contre, moi. Ah ouais, pourquoi? J'ai eu ça. Il y en a à saveur de je sais pas quoi. Là. Oui, pêche et crème, mettons, c'est peut-être le meilleur. Là, mais à chaque fois que je l'essaye, on dirait que je suis comme déçu. Puis je me dis, bon, je le réessayerai plus arrête, jamais. Arrête, moi. Mais oui, mais c'est ça, arrête. Bon. Apprends ta leçon. Ben oui. Voyons, non? Ben oui. Hein? C'est comme la petite souris avec son morceau de fromage électrocuté. Là, non, pas comme ça. Pas comme ça. François, ça fait longtemps qu'on l'a pas fait. Je trouve que ça manque à notre émission depuis un bon bout, là. OK. C'est le bloc qu'il faut expliquer à chaque fois parce qu'on se comprend jamais. En tout cas, la session dernière, j'ai pas compris. J'ai compris que ça prenait, c'était deux groupes avec une toune. Mais je comprends pas pourquoi on l'a fait jouer deux fois. OK. Je sais pas trop moi non plus. On va écouter l'intro. Peut-être que l'intro nous l'explique maintenant. Okay. Pense-y deux fois parce que dans notre monde, y a deux lois. Tu y adhères ou pas encore là, t'as deux choix. Pense-y deux fois parce que dans notre monde, y a deux lois. Le concept, c'est de le faire deux fois. Le bloc qui était deux fois, c'est celui où on, je crois qu'il faut qu'on danse la même danse sur deux chansons différentes. Ouais, c'est ça. Je danse le robot deux fois. Ça m'a pas éclairé. Non? Non. Non plus, l'intro ne dit rien. C'est quoi cette intro-là? C'est quoi cette affaire-là? Donc, on va l'entendre deux pièces d'un seul et même artiste. Je pense que ça, c'est à peu près... je pense que c'est ça. Je pense. Deux pièces d'un même artiste. Ouais, c'est ça. C'est même pas... Pas deux fois la même pièce. OK. Non, j'avoue que c'est pas original. Bravo. Qu'est-ce qu'on fait à la place? On fait d'autres choses? Qu'est-ce qu'on peut faire? Deux extraits de la même pièce? Deux. Ah, le début, une fois, après la fin, puis on met le milieu entre les deux. Ouais. Fait que ça fait comme une pièce au complet. Ouais, j'aime ça. Ça fait trois affaires, par contre. Ouais. Ouais. À la place, je pense qu'on va juste aller écouter Gatineau, mettons. OK. Avec l'importance d'être constant. Oh! Et on va débuter avec Karaoke King. Karaoke King! Puis à la fin, on devrait peut-être comprendre ce que ça veut dire. OK? Mission. Mission. Ben, mission acceptée. Hein? Bon. On dirait trop François, j'ai la même tête, il a la même voix. Sur stage, c'est vraiment trop François, j'suis trop parkage que ce bout des doigts. Ce qu'on dit, quand on voit apparaître, ça l'a l'aide, quelle est l'aide de l'âge, la main. One billion de light pour mon light de light. C'est le vrai clown, oui, ça light de light. Plus vrai, pis plus que parfait. Plus vrai, c'est sûr que ça le fait. Saut de gros mec comme dans Belindo. Alexandre. Juste un peu de paillettes. Puis derrière moi, une coupe de Claudette. Ça le ferait, ça le ferait. Je te jure que ça le ferait. Plus vrai, c'est sûr que je le ferais. Samedi soir. J'suis plus Claude que Claude que Claude et mon clone. Tous les samedi soir. Que king, ding, ding, king, dong, dong. Samedi soir. J'suis plus Claude que Claude que Claude et mon clone. Tous les samedi soir. Que king, ding, ding, king, dong, dong. Y'a des tonnes de tunes, des pages qu'on tourne, des pages qu'on tourne. Y'a des tonnes de tunes. Si j'avais voulu, Isabelle Boulay. Si j'avais voulu, si j'avais voulu, je serais peut-être Jean Leloup, Phil Lafontaine, pis son cœur de loup. Mais parmi les chanteurs de chansons populaires, ça l'air c'est plus de Claude que l'autre que j'ai l'air. Côte chromée, style Magnolo, les goûts du disco, c'est Anela. Père blonde à guise de tout fait, pis dans ma tête, une coupe de Claude. Plus vrai, c'est plus que parfait. Plus vrai, c'est sûr que ça le fait. C'est le live, quel est l'aide de l'âge de Mike? Des litres de light pour mon live de light. Claude François, c'est ça l'aide de light. Plus vrai, puis plus que parfait. Plus vrai, c'est sûr que ça le fait. Plus vrai, puis plus que parfait. Plus vrai, c'est sûr que je le fais. Samedi soir, j'suis plus Claude que Claude que Claude des Montclans. Samedi soir. Plus Claude que Claude que Claude des Montclans. Samedi soir. J'suis plus Claude que Claude que Claude. aujourd'hui je suis dedans. J'te down des nappes, mais là je suis dedans. 12, j'te dis 12, aujourd'hui je suis dedans. J'te down des nappes, mais là je suis dedans. Je vais me tracer une ligne pour la suivre jusqu'au bout. Suis ce que je m'assigne sans m'écarter de la route. Je vais lâcher la viande pour me mettre aux légumes. Me mettre des pâches parce que c'est que je fume. Aujourd'hui je m'y mets, je m'y mets pour de vrai. Aujourd'hui je suis prêt, je suis prêt pas à peu près. Aujourd'hui je m'y mets, je m'y mets pour de vrai. Aujourd'hui je lâcherai pas, je suis presque prêt. L'important c'est le constat. Suis sa voix, suis une voix, sa voix, suis sa voix jusqu'au bout, sans doute. L'important c'est le constat. J'ai commencé Proust, mais je l'ai pas fini. Commencé une diète que j'ai pas réussi. Arrêtez de boire pour me ramasser fini. Mise à l'exercice pour me ramasser Vénétie. J'ai eu goût de faire le ménage, mais j'ai fait autre chose. Commencé le forain, mais je l'ai mis sous pause. J'ai eu une sorte d'idée, genre de projet grandiose. Mais j'ai dû oublier de quoi il s'agissait, je suppose. Sa route jusqu'au bout, sans doute. Couple 3, j'ai plus trop de goût. Couple 3, de plus en plus je m'en fous. Je commence comme être un peu tanné. Je vais réussir ma dame, me pogner ma nez. C'est ça ta l'heure, mais là c'est moins ça. C'est ça au début là, c'est fou ça. Je n'ai rien, de que je commence. Je bat pas loin. Quand je mélange, j'avais trouvé ma motivation. Mais c'est rendu pop, je voulais me propre. Mais sans que pop, mais sans que c'est rough. Mais sans que c'est top, tout part en pop. Mais sans que c'est rough. Suis une voix, sa voix, suis sa voix jusqu'au bout, sans doute. L'important c'est le constat. Suis sa voix, suis une voix, sa voix, suis sa voix jusqu'au bout, sans doute. Up and down, monter, descend, au bout, ça me tend, plancher, m'apprendre. Up and down, monter, descend, au bout, ça me tend, plancher, m'apprendre. Up and down, monter, descend, au bout, ça me tend, plancher, m'apprendre. L'importance des constats. L'importance des constats. L'importance des constats. C'est vraiment presque sur la constance des mais notes. Il manque un mot. Lui il disait l'important, l'importance, c'est constant. L'importance d'être constant. D'être constant. Moi, c'est l'importance, c'est d'être constant. Mais en tout cas, écoute, c'est les mêmes mots, mais bon. Je m'astinerai pas avec lui. Je l'ai amélioré vraiment en le disant comme ça. C'est de l'or. L'importance d'aller au grand constant pizzeria, mettons. Oh, au point, à point c'est de bon, là. Ben oui, ben oui. Tu vas-tu là? Ben, dans le temps, quand j'étais fun. Là, là, là. Tu restais dans le coin là-bas. Là, là, là, là. Ben, sinon, tu restes pas super loin, tu dois faire la livraison. Ah, ou peut-être. Ben, j'imagine. Bonne idée, ça. Très bonne idée. Check le bain. À demain. Merci François. Donc on vient d'entendre un bloc qui était deux fois. Je sais pas si vous avez fini par comprendre notre petite façon de faire ce bloc-là. C'était deux chansons de Gatineau. On a entendu de l'importance d'être constant. Et puis on a débuté ça avec Karaoke King et Kingdom Come. King Kong Kong Kong. King Kong. Vous êtes toujours Assemblage Requis. Ben oui. Est-ce qu'on se fait un autre bloc deux fois tantôt? Eh oui, on. Oui. Plus tard? Quand on a le temps, on met de la musique. Ouais, comment? Quand on a le temps, là. Quand on a le temps de mettre de la musique, c'est rare. C'est rare. On maximise notre temps. Écoute, on pourrait aller entendre une bonne pièce que tu as choisie. OK. Matin, tu m'arrives avec ça. Ouais. Louisa. De Lovely Feathers. Ouais, c'est ça. Ouais, écoute, pièce que j'affectionne pas particulièrement, mais qui. Tu l'adores. Oui, j'adore ça. Je te donne un cadeau, en fait. J'adore ça. Et puis, écoute, je te réserve. Je pense à ça pendant cette pièce-là. Ouais. Et on revient avec un bloc deux fois. OK. Peut-être publicité entre les deux. Ah, oh, ouais. Wow. Le thème. Est-ce qu'on peut mettre deux blocs publicité? Non. OK. Deux fois le même. Oui, c'est ça. C'est pas déjà assez redondant de même. Non, non, non. Fait que, ouais, c'est ça. Je me trouve un artiste avec un peu comme Gatineau. Là, ce que t'as fait. Nous, je comprends pas trop le principe, mais je vais essayer de, okay, de trouver un artiste, puis tu t'arrangeras avec le reste. Sure, je vais m'occuper de tout ça. Moi. Parfait. On écoute Loisa de Lovely Feathers à Assemblage Requis. Juste une fois, ça. Rien qu'une fois. Ah, ouais, ça, par exemple. On l'a déjà fait, je pense, non? Deux fois? Je sais pas. Fallait prendre des notes sur lesquelles qu'on a eu dans ce bloc-là, parce que sinon, on va te. Non, deux fois la toune. Deux fois la même chose. Oh, rabat-joie. Si bonne. Oh. Si bonne. Ah, j'ai entendu six bols. Six bonnes, six bonnes. Non, six bonnes. Six bonnes. pour l'écouter. 89.1. Assemblage requis est une présentation du service aux étudiants de l'UQTR. Jusqu'à 9h, vous écoutez l'émission matinale en pièces détachées, Assemblage requis. Oui! Il nous reste encore quoi, 1h30 à l'émission. Moi qui parlais comme ça dans le vide. Oui! Oui! Oui! J'étais pas là. On aime ça. On aime ça. François, toi, je sais que t'es un gars à problème. Oh, OK, mais merci. Ça fait plaisir. C'est toujours le fun d'entendre ça. Ben, j'imagine c'est comme te faire dire, t'as l'air fatigué. Merci. tout à fait. C'est pas chiant quand même, hein? Ben, oui, un peu. Oh, ouais. Mais bon, je le prends pas mal, apparemment. Oh. Bon, toi, t'es un gars à problème. Moi, je suis un gars qui règle des problèmes. Donc, ensemble, nous formons un duo incroyable dans la chronique. Ça existe, mais ça devrait pas, on l'a. Ça existe, mais ça devrait pas, on l'a. C'est la chronique des choses qui vont régler des problèmes dans votre vie. Oh, OK. Parce que, tu sais, on a tous des problèmes différents. Et si vous avez pas de problème, on n'hésite pas du tout à vous en créer. Et ensuite, vous les régler. Donc, vraiment, on fait tout pour vous. On se donne, on se fait en 4. Ben, on se fait en 4. On se fait en 4 ou en 6 bols. Oh. Premièrement, ton lunch, ton dîner. J'ai vu hier que tu mangeais des sandwichs aux œufs. Ouais. Deux sandwichs aux œufs très épais. J'étais très jaloux, en fait. Très, très jaloux. Mais ils auraient été beaucoup plus beaux. J'aurais été beaucoup plus jaloux s'ils avaient porté chacun une moustache et un gros nez. Hein? Donc, pourquoi ne pas acheter ces lunch disguise, c'est des sacs genre Ziploc avec, okay. Des lunettes ou un monocle et une grosse moustache. Un monocle. Un monocle, parce que personne va aller voler ton lunch s'il y a un monocle. Non. Parce que c'est un peu gênant. C'est vrai. Sans mal, c'est comme en Colin, tu sais. Bon. Donc, c'est les lunch disguise bags. Vous pouvez trouver ça sur assemblagerequis.com, bien évidemment. Ensuite, ton autre problème, tu fais des petits... ce qu'on appelle en anglais des pigs in a blanket, là, tu sais, des petites saucisses en pâte, là. OK. Tu sais, c'est des petites pâtes. C'est la fois qu'on appelle ça, pâtes, ouais, en anglais, pigs in a blanket. T'en fais souvent. Et là, à un moment donné, ça commence à être difficile, c'est mettre ça sur une petite plaque, graisser ça, tu sais, dans un petit four grille-pain, etc. Donc, ils te fournissent, ils te permettent d'acheter le Smart Planet CDM 2 Pigs in a Blanket Maker. C'est le meilleur gadget de cuisine qui ne sert qu'à une seule chose, je crois, qui a été inventé jusqu'à maintenant. On peut faire jusqu'à 9 de ces gentils petits cochons en couverture, si on veut. Donc, c'est très joli. Évidemment, il y a encore l'aspect que je trouve dommage, c'est qu'il faut les faire, ces petits cochons-là, parce qu'à un moment donné, c'est compliqué, là, tu sais, couper des saucisses, puis enrouler de la pâte autour. Ce serait le fun s'il y avait une machine qui faisait tout en même temps. Ben oui. À un moment donné, l'opportunité était là de changer là, ce principe-là. Mais bon. C'est raté. Tu sais qu'au Canada, au Québec, les gens aiment bien boire de la bière. Oui. Je pense que ça, on se le cachera pas du tout. Mais les gens aiment aussi sortir dehors. Parce que comme le dit la pub de Tide, les Canadiens ont pas peur de sortir dehors. T'sais, donc, l'avant à l'eau froide, tu te rappelles cette pub-là. Bon. Donc, ça passe encore. Ça passe encore, je crois. Mais boire de la bière dehors quand il fait froid, avec ça dans ta main, la bouteille est froide, t'sais, t'as les petites montagnes sont bien bleues dessus. C'est ça. Donc, il te faut une mitaine qui est en même temps un rack à bière. Donc, tu mets ce gant-là, qui est un gant en laine, super stylisé, et à la place, au bout, à la place d'avoir des doigts, parce que là, t'as pas besoin de doigts pour boire une bière. T'as un mognon, c'est parfait pour boire une bière. Ouais. Prends deux mognons ensemble, et go. Donc, tu mets ta bouteille de bière dans l'espèce de bac qu'il y a à la fin de cette mitaine-là, et puis, facilement, tu peux boire dehors au froid, mais en même temps au chaud. C'est une bonne idée. Ouais, c'est bien. Très bonne idée. Ça coûte 29$ pour cette hybride qui va sauver des vies, probablement. Ensuite, celui-là n'est plus à vendre, malheureusement, mais vous allez voir que peut-être que vous n'avez pas manqué grand-chose. Ce sont des bols de céréales, mais avec des formes à l'intérieur, au fond du bol. Donc, quand tu manges tes céréales et que le lait finit par descendre, ça forme une forme d'animal dans le lait, de la façon que le bol est fait. Donc vraiment, littéralement, tu bois, tu manges tes céréales, tu bois ton lait, ça forme un chat au fond du bol. C'est 317$ pour ces bols-là, c'est super, hein? Fabriqué par Geraldine DeBecco. Oui, ben c'est ça. C'est peut-être pour ça qu'elle est vendue. Hein? Vous allez voir les photos sur assemblagerequis.com. Il y a un petit oiseau, un petit lapin, un petit chat. Stop. Un petit chat. Sauf le petit chat. Mon préféré. Bon. Bon, bref. Bon. Une autre chose de cuisine, on est vraiment dans le sujet de la cuisine et de la bouffe, alors, c'est le début de chronique. C'est que tu manges une soupe, mais tu as tout le temps besoin de craquelin, tu sais. Les craquelins, des petits biscuits. Ouais. Des biscuits. Ou encore, tu prends du chocolat chaud, tu as besoin de petites guimauves, puis encore une fois, le petit craquelin, puis du chocolat, des affaires comme ça. Donc, cette tasse-là est un bol, barre oblique, tasse, barre oblique, petit contenant attaché sur le côté. Donc, vraiment, tu peux mettre, mettons, une soupe poulet nouilles d'un bord dans le rond, avec une poignée, tout ça pour la boire, ou la manger avec une cuillère, et de l'autre côté, tu mets tes petits craquelins dans le petit bol. Poignée après. Donc, c'est 16 onces de soupe et environ 6 biscuits soda qui rentrent là-dedans. 10$ pour l'emballage de deux de ces affaires-là. Pas de deux, genre bol et l'autre bol. Non. C'est deux ensembles de bols, mais c'est pas mis dans un seul morceau de porcelaine, cette affaire-là. Donc, il y a deux fois ça. Et ça va au micro-ondes et aux choses là. Pour la lave-vaisselle, Les choses pour la lave-vaisselle, comment t'appelles ça? Un lave-vaisselle, c'est ça. Tu sais, cherche pas trop loin dans la vie. Toujours dans le domaine de la nourriture, tu veux perdre du poids probablement parce que les fêtes viennent de passer. Tu veux pas faire trop d'exercices non plus. Tu veux continuer de manger, mais tu veux faire des exercices en mangeant, OK? Donc ce sont des ustensiles avec des poids dedans. Simple dans ce cas-là. Je peux croire que ça avait jamais. En tout cas, j'avais jamais vu ça avant. Peut-être que ça a déjà été fait des millions de fois. Donc c'est 1 kg par couteau et par. Par ensemble de couteaux et fourchettes. Et si tu veux, tu peux avoir le full set. Ou tu peux avoir, d'ailleurs, ce full set-là, une cuillère de 2 kg. Parce que manger du dessert, c'est pas bon pour toi. Donc, il faut que tu te fasses punir. Oh. En enlevant encore plus. Donc, tu manges, ça te fait des muscles dans les bras. Le reste de ton corps, on sait pas. Viendra peut-être un jour. Tu vas tout faire en même temps? Non. Tu mangeras pas avec tes pieds quand même? Non? Ça, c'est vrai. Ben non. OK, on lâche ta nourriture un petit peu. Ta propre Batmobile, qu'est-ce que ça te dirait, François? T'aimerais ça? Ah non, je sais pas, non. Non? Non, moi, non. Trop de gadgets, tu vas t'en faire voler parce que c'est trop hot, c'est ça? Ah, je sais pas. Ouais. Donc, tu peux avoir ta propre réplique de la Batmobile classique pour 188 000$. Hein, quand même. 188 000$. Ouais, et c'est DC Comics qui a donné le feu vert à ces répliques sous licence à la compagnie Firebox qui les vend maintenant. Et vous allez avoir besoin d'un article ici d'un portefeuille de la grosseur de Bruce Wayne ou de celui de Bruce Wayne pour vous permettre ça. Donc, contrairement à d'autres répliques de la Batmobile, celui-là est plus un accessoire. C'est une voiture qui fonctionne, qui va sur la route avec tous les petits gadgets qu'on pourrait vouloir, des boutons pour allumer la voiture. C'est un vrai bouton, là, tu sais, genre push button, ignition. Ça vient avec des trucs du 21e siècle aussi, donc dont un lecteur DVD, et puis des trucs pour faire ouvrir la valise là, tout à fait électrique, et un système de son à 6 haut-parleurs. Voilà, donc allez voir les photos, c'est très joli. Très impressionnant, mais j'aimerais moi plus avoir un Batphone. Batphone. Petit téléphone dans une espèce d'affaire de vitre, là, ça c'était... Oui, là on parle évidemment de l'original de Batman. Oh, là, je sais que les gens qui nous écoutent. Le téléphone était rouge. Oui, ça, rouge, c'est ça? Exactement. Parce que les affaires du Batman le plus récent, moi, ça m'intéresse pas. Ben, je les ai pas vus. Ben, moi, c'est correct. Ouais, c'est bien. Pas aussi rétro et kitsch. Et moi, j'aime bien le rétro et kitsch là-dedans. Parlant de rétro et kitsch, quel hasard. Une souris USB, mais rétro. Donc, c'est exactement comme les vieilles souris là, dans le temps. Tu sais, qui étaient vraiment carrées, là, cubiques, avec prisme-esque, mettons. Ouais. Et t'avais trois boutons. À la place, celle-là, c'est le même look, mais elle est USB. Elle a un truc en dessous, là, comment t'appelles ça, là, sur infrarouge, en tout cas, c'est l'affaire optique. L'affaire optique, là, pour... Le sensor optique, je sais pas pourquoi. Ça. Et ils ont remplacé le bouton du milieu par une roulette. Donc, tu peux, tu sais, pour scroller sur les pages, qui est complètement essentiel, je trouve, de nos jours, pour pouvoir avoir une souris sans ça. Donc, vraiment, je trouve ça super beau. C'est 20$ de la compagnie TG. Aucune idée. J'ai jamais entendu parler de la compagnie TG, mais... Ils sont sûrement capables de faire des souris. Ça doit pas être bien compliqué là, avec le nombre d'années que ça fait que ça existe. Là. Je pense que la technologie est rendue pas mal avancée. OK. Vraiment cool. C'est une affaire que tu branches dans une prise d'électricité de courant. OK. Tu branches ça dans la prise de courant. Et il y a là-dessus une prise micro USB, USB normal et Apple pour les iPhones, etc. Tu branches ça dans le mur et ça. Pendant que l'appareil n'est pas dessus, pendant que tu n'es pas en train de le faire charger, ça va pas prendre d'électricité du tout. Et ce qui est vraiment le fun, c'est que quand tu veux charger, c'est que tu bottes. Cette affaire-là dans la prise, avec ton pied ou avec ta main, tu le gifles, tu bottes, et ça va démarrer le chargement. C'est une bonne idée quand même. Ouais. C'est le Mushroom Green Zero, et qui est le câble est rétractable, donc vous pouvez voyager en rentrant le fil dans la base. Donc non, je trouve ça vraiment beau. Là. C'est quand même juste un bouton de la grosseur d'un pied, quasiment, que tu branches dans le mur comme ça en le poussant, et puis tac, voilà. C'est joli. Assemblagerequis.com. J'aime bien ça. Une autre affaire que peut-être qu'ici vous devriez pas fesser, mais qui est en forme de bulle. En forme de bulle? En forme de bulle quand même, c'est pour protéger ta voiture. OK. Donc c'est une bulle, littéralement, tu entres ta voiture dans cette bulle-là, c'est la Car Capsule, qui est une bulle de vinyle clair, donc transparent, qui scelle votre voiture, votre camion, votre bateau, votre motocyclette, qui la scelle des éléments, et donc qui va la garder tout à fait neuve pour toujours, donc la poussière... Moisissures, les insectes, n'importe quoi sont à l'extérieur, n'entreront jamais. Il y a un ventilateur, une fan à l'intérieur qui fait circuler de l'air filtré à l'intérieur de la bulle pour éliminer l'odeur qu'il y aurait eu si ça n'avait pas été de ça. Donc, pas de mauvaise odeur. Vinyle super durable fait de PVC antistatique avec un zip super durable 100% en nylon. Donc, ça va pas égratigner votre véhicule. Car capsule qui était imperméable à l'huile, au gaz et à l'antifreeze. Non? Hein, quand même. Résistant aux moisissures et flame retardant, donc va pas pogner en feu tout de suite, mettons. Peut-être plus tard. Ouais, plus tard. OK, on revient dans la cuisine un peu. On avait quitté la cuisine depuis tantôt. Good sponge, bad sponge. Hein? Good sponge? Good sponge, bad sponge. C'est okay. Un peu comme good cup, bad cup, mais avec des éponges. Ouais. Parce que dans la vie, tu sais, mettons que tu utilises... je sais qu'il y a des gens qui lavent la vaisselle avec une éponge. Toi, avec quoi tu laves ta vaisselle? Ben, c'est pas un SOS, là, mais le petit truc vert, là. Rigueux, ouais, mais okay. Tu sais, pas... T'as pas le petit bâton après, là? Non. C'est bien que le petit bâton, je te conseille le petit bâton. Pour la même affaire, là, c'est comme le même matériau avec un petit bâton, ça va très bien. J'aime ça parce que c'est comme maniable, tu sais. Ah ouais, les courbes. Ouais, comme c'est ça. Pouvoir toucher aux courbes de ta vaisselle. C'est ça qui est le fun. C'est ça, dans les coins. Donc, bref, pour ceux qui lavent avec une éponge normale, mais ça pourrait faire la même chose avec ça finalement, parce que ce que tu décris là, c'est pas mal une éponge avec un côté récurrent. C'est une éponge. Ben, les deux côtés sont récurrents. Ah, ça, j'aime ça. T'sais, ok, t'as pas de côté éponge parce que côté éponge, on s'en sert pas. Ça donne quoi? Ça sert absolument rien. Mais bref, donc ça va fonctionner avec ça. Tu peux écouter quand même ce que je te dis là. C'est pour... Tu me le permets? Comment? Tu me le permets d'écouter? Juste pour celui-là. Okay. Donc, les choses que tu laves qui sont dégueulasses, des fois, tu vas laver, mettons, les bols de ton chat ou de ton chien. Tu vas laver le comptoir. Tu vas laver le lavabo. Tu sais, le cygne en tant que tel, des fois, c'est rempli de crasse quand tu le laves pas assez souvent. Donc ça, c'est sale. Et tu vas pas laver la vaisselle avec ça. Non. C'est dégueulasse. Donc, tu vas avoir deux étages. C'est un petit truc en genre d'aluminium, je sais pas si c'est fait en quoi exactement, mais c'est super genre acier brossé, tu sais. Genre acier brossé. Et dessus, c'est écrit Good Sponge et Evil Sponge. OK? Donc, ton éponge diabolique qui a lavé le comptoir, les affaires à chat et à chien, tu mets ça en bas. OK? Donc, toutes tes affaires qui sont dégueulasses ne vont pas couler sur celle d'en dessous, tu comprends? OK? Ouais. Et en haut, tu mets ta Good Sponge, celle pour la vaisselle. Donc, l'eau va tomber par en bas des deux, mais l'autre, le dégâts, tombera pas sur ton bon. Wow. C'est super joli. C'est bien fait. Puis assez brossé, on s'entend que c'est gagnant. Oh ouais. C'est ça. Donc, je sais pas, il n'y a pas de prix pour l'instant, mais c'est ça. Ça me rappelle un petit peu la serviette dans le temps qu'on avait parlé. Je sais pas si on avait parlé. La Ass Face Towel, qui était une serviette où tu avais une partie de ta serviette qui était faite pour les fesses, une partie qui était faite pour ta face, pour pas que tu te frottes la face dans les fesses. Ouais. Je me rappelle de ça. C'est ça. Bot et face. Voilà. Ouais, c'était ça, c'est intelligent. Ouais, ouais. C'est très intelligent. OK, là, on parle de quelque chose qui est cher. On n'a pas de prix, mais c'est sûr que vous n'allez pas acheter ça, mais l'idée est vraiment bonne. C'est un clavier auto-écurant. C'est une machine, dans le fond, une genre de boîte. Super jolie. Et à l'intérieur, t'as un clavier. Donc, le clavier est exposé à de la lumière UV pour tuer toutes les bactéries possibles. Et ça peut se faire entre 60 et 90 secondes. C'est le VioGuard qui utilise 80 watts d'électricité quand il est en train de faire la sanitisation et 3 watts lorsqu'il est en attente. La lampe va fonctionner pour 40 000 désinfections, cycles de désinfection, et le mécanisme peut supporter 300 000 utilisations. Donc, à chaque fois que tu en as besoin... Il y a un sensor de proximité qui va éjecter le clavier quand tu vas en avoir besoin. Donc, t'arrives, tu passes ta main devant, ça va te sortir le clavier. Quand t'as fini avec, tu le repousses dedans. Donc, ça pourrait être parfait pour les hôpitaux, les endroits qui ont besoin d'avoir quelque chose de vraiment. Parce que ça pourrait tuer des gens, les bactéries qu'il y a dans un clavier. On sait tous là, que le clavier, là, si tu le vires à l'envers, tu te tapes ton bureau. Là. Regarde pas ça trop longtemps. Ça. Amène ta evil sponge, là, puis scrub-moi ça. Scrubbing bubble, François. Non. Bien. Le matin, tu te réveilles de bonne heure, premièrement. Oui. Mais ta copine se réveille aussi quand ton alarme sonne. Hein? Oh, ouais. Et donc, ça la fâche. Et ça la fâche. C'est normal, toutes les blondes d'animateurs de radio sont comme ça. Le chip alarm clock te réveille toi et non pas toute la maison. C'est un cadran et dessus, un genre de clip, OK, que tu prends. Tu prends le clip de tu le mets sur ton oreiller, sur ta tête d'oreiller, et ça fait vibrer. Et si c'est pas assez et que tu te réveilles pas avec la vibration, là, il y a une alarme qui va sonner, mais moins fort qu'à l'habitude. Ça coûte environ 18$. On en parle depuis le mois de septembre chez la compagnie Quirky. On sait pas encore quand est-ce que ça va être disponible, mais l'idée est super bonne. Et en plus, t'as un petit un genre de pourtour à ton système, ton chose d'alarme, ton réveil matin, où tu peux mettre ta monnaie et tes trucs comme ça. Okay. Quand même une bonne idée. Ouais, c'est ça. Il nous en reste un petit dernier. On va y aller comme ça avec le cord on board qui résout le problème de gens qui n'amènent pas leur chargeur tout le temps avec eux. avec leur iPhone. Tu sais, à un moment donné, t'oublies ton iPhone, si t'as pas de sac à dos comme moi, tu sais, moi j'ai mon sac à dos avec mes fils dedans. Ici, c'est que tu peux insérer, c'est un minuscule fil, je sais pas si ça vient avec cette version courte-là, mais tu mets ça dedans, l'étui pour ton iPhone, ben c'est un étui spécial qui est plus profond un petit peu. Tu mets ça là-dedans, il tient comme faut, et puis là, tu mets ton iPhone par-dessus, donc tu vas tout le temps avoir ton fil avec toi. Évidemment, il va falloir un ordi aussi, mais la plupart des gens ont ça sur eux. Ouais. Donc, c'est 25$ en précommande sur Kickstarter. On se rappelle du principe, les gens mettent de l'argent, et puis si on dépasse le montant fixé à l'avance, ça va être produit. Ils espèrent arriver à 20 000$ et ça fonctionne pour le iPhone 4 et l'iPhone 4S. Voilà. Et puis, ça, sinon, j'avais oublié de vous dire le rideau de douche Facebook. Donc, vraiment, tu as un profil Facebook sur ton rideau de douche et puis un cadre transparent pour mettre ta tête. Ouais. C'est bon. Voilà pour la chronique, ça existe, mais ça ne devrait pas. On l'a. On va en faire une autre la semaine prochaine, comme toujours, pour l'instant. On écoute du Rich Aquin avec sa chanson Hit. Un gros succès, hein, on pourrait dire, mais. Lui, la chanson, c'est Hité, mais pas acheté. Ah, c'est dommage, ça aurait pu. Donc, on écoute ça à Assemblage Requis, puis plus tard, Simon Fédibé et sa chronique Phénomène. Just Mister Valère avec Lila Amar, excellente pièce de l'album Golden Bombay. J'adore donc cette pièce-là. C'est bon? Oui, c'est très bon. François, on a fait une tantôt une bloquette. J'essaie de trouver une bloquette quelque chose deux de fois. Une bloquette deux fois, c'est ça? Ouais. Mais on va en faire une autre avec un de tes choix, donc re-intro. Pense-y deux fois, parce que dans notre monde, il y a deux lois. Tu y adhères ou pas encore, là, t'as deux choix. Pense-y deux fois, parce que dans notre monde, il y a deux lois. Le concept, c'est de le faire deux fois. Il était deux fois, François-Olivier Marchand. Oui, avec The Octopus Project. Ouais, rappelle-nous, c'est quoi ça? Je me rappelle avoir entendu le nom. C'est un groupe qu'on avait entendu lors de la chronique à Simon, qui avait parlé de Térémine. Oui, l'affaire qu'on trouve avec les mains. Ouais, ouais, le son, là, ça a l'air quand même dur à jouer. Là. Ouais, ouais. Et puis, voilà, en fait, on va entendre deux pièces. Oui. C'est parce que je pense que c'est ça le concept. Si j'ai bien compris tantôt, je pourrais me tromper. Ouais, je pourrais me tromper aussi. T'sais. Peut-être qu'on fait n'importe quoi, là. Peut-être. C'est même pas ça, la chronique. On sait pas. Avec, écoute, on pourrait commencer avec The Adjuster. Oui, bonne idée, sur leur album One Ten Hundred Thousand Million. Et après ça, on pourrait continuer avec Music is Happiness. Ah, ben c'est vrai, ça, en plus. Oh. Moi, j'aime ça, les titres qui disent affaires qui sont vrais. Ben, c'est tendre comme une barre. Comme une barre. Like a bartender. Tout à son âge requis. Jusqu'à demain. The Octopus Project avec la pièce Music is a Happiness. Oui, et avant ça, avant le mix de Merle, on a eu la pièce The Adjuster. Hey, l'interpièce était particulièrement bon. Écoutez, oui, tout ça. Oh, le bumper est excellent. Le message était vraiment pas. T'as fait du très beau travail, Mathieu. Oui, merci, ça. Donc, le bloc était deux fois avec deux artistes. Un artiste, deux pièces avec le même artiste. Un artiste, ouais, deux pièces. C'est ça. On dirait que t'avais quasiment les yeux croches quand tu faisais ça, tu passais. Ouais, je pensais. Puis en même temps, j'ai regardé si mon micro était mis. Ah ouais, okay. Regarde ton nez aussi. Oh, c'est beau. Donc, c'est ça, c'est la fin de ce bloc-là, mais c'est aussi la fin de la première heure, François-Olivier. D'accord, déjà? Ouais. Au retour? Qu'est-ce qu'on a en retour? Ouais. Simon Fitzbé? Simon Fitzbé avec sa chronique, comment ça s'appelle déjà? Phénomène. Il nous parle de l'industrie du disque. Est-ce que c'est sa fin? Est-ce que c'est la fin de l'industrie du disque? Ou est-ce que c'est le début? On le saura. Oh, le début de la fin, sûrement. Là. On s'entend là-dessus. Et ensuite, on aura François Landry pour sa chronique politique Logocratie 101. Et on parle déjà politique en studio. Oui, ça n'arrête plus. Et comme dans les bons vieux de parties de famille, là, ça va exploser. Quelqu'un va se lever et va faire Écolos! Non, mais je félicite. On en parlera tantôt avec lui. Ah oui. Ouais, donc c'est ça pour l'instant. Petite pause. Oui. On revient après. Ouais. Tantôt. À tantôt. À tantôt. Ciao, bye. Vous êtes assez fou pour l'écouter. 89.1 Vous êtes toujours à Assemblage Requis en ce jeudi 12 janvier 2012. Lui, c'est François-Olivier Marchand. Lui, c'est Mathieu Plante. Vous êtes les requins. Oh, hein? Oh, le petit requin. Oui. Oui. Okay. C'est la première semaine de l'année pour nous à Assemblage Requis. On va pas se terminer cette semaine. Ça a bien été cette semaine. Oui, très bien. Je pense que les requins vont apprécier ce qu'on a pour le reste de la session aussi. Oui. Parce que, évidemment, le monde va commencer à revenir. Il y avait des chroniqueurs manquants en début de semaine. On va retrouver Kiwan, on va retrouver Yann Martel. Exactement. Des gens qui vont revenir nous voir. Donc ça, Sébastien Dulude aussi, la semaine prochaine. C'est vrai, une très bonne chronique sur des choses qui se dit à lui-même. Là. C'est comme s'il y avait sa petite enregistreuse et qu'il disait note à moi-même. Note à moi-même. C'est mardi prochain, ça, dans l'émission. Mais pour l'instant, on écoute Carl Pirate, voici Golden Baby. C'est fou. Je t'ai vu d'un œil solitaire, le pied dans l'arène pour te plaire et briller au regard que j'ignorais. Les tiens comptaient plus que les autres, même si tu ne t'en rendais pas compte. Et j'aurais tout fait pour connaître tes fins. Golden baby, c'en est assez de courir te faire désirer dans ces lumières qui donnent vie à nos nuits. Golden baby, c'est tout pour plaire. En ton silence, tu restes fier de croire en ce qui n'existerait pas. De toi, c'est qui en chante. Golden Baby, oui, de Cœur de Pirate à Assemblage Requis sur CFO 89.1 FM. François, on va écouter une autre petite pièce rapide. Okay. Qu'est-ce que t'en penses? Bien rapide, oui, bien rapide. On le voit rapide. J'en choisis une demain, puis en plus, je choisis un groupe que j'aime. Ben oui, ah, Colin, hein, cette pièce-là. François, je pense que toi et moi, on sait que c'est une histoire d'amour qui continue. Comme avec le magasin de bain. Histoire d'eau, c'est une histoire d'eau qui continue. Oui. Je la comprends pas, celle-là, une histoire d'eau. C'est quoi une histoire d'eau? C'est comme... Non, mais c'est parce qu'ils vendent des robinets. Puis ouais, de la plomberie. C'est pour ça. Mais une histoire d'eau, c'est comme... une goutte rentre dans un bar, puis... une goutte, puis... Pas de commentaire. Non. Donc... J'essaie vraiment de le faire durer le plus longtemps possible. Ah non, c'est malaise. Hein? Mais, ouais. Donc, Library Voices, à l'instant. Puis on vient avec Simon Fitzbib. C'était pas Lanzana? Ah, parce que toi, il y a deux personnes nues sur la pochette, c'est automatiquement Lanzana. Non, je sais pas. Non, la couleur est semblable. Ouais. Generation and Clap de la formation Library Voices à Assemblage Requis. Je m'excuse pour le malaise de tantôt. Ah non. T'es pardonné. Bon, je viens d'en faire un autre. Ouais. Voici Phénomène avec Simon Fitzbé. Messieurs, ça va bien. Bon matin, comment ça va? Ah, ça va très bien, et vous? Premier matin de 2012. Effectivement. Pour toi, ben oui, c'est oui, sûr. Je me suis pas levé depuis le 1er janvier. Chanceux. T'as commencé l'école récemment ou? Moi, je suis en rédaction, donc je suis toujours un peu à l'école, okay, et un peu en rédaction. Un pied d'un bord, un pied de l'autre. Ouais, exactement. Ouais. Aujourd'hui, on parle de la fin de l'industrie du disque parce qu'on ne se cachera pas des choses. Là, ça l'industrie du disque. C'est ça. C'est bientôt, c'est sur sa fin. L'île mort. Et effectivement, ouais. Effectivement. J'aimerais d'ailleurs vous souhaiter bonne année de la santé. Merci. Bonne année de la musique. On n'y pense plus, ça fait tellement longtemps qu'on anime. Là. Effectivement. Je vous souhaite également d'acheter des disques cette année. Parce que, effectivement, des disques physiques, là. Oui, des disques physiques. Des trous dedans. Des disques qui existent avec des trous dedans, exactement. Des CD. Malheureusement, des CD, mais bon, qu'est-ce que vous voulez? Ah, des CD! C'est un jeu de mots. C'est comme faire des jeux de mots avec des œufs, des omelettes. Et, oui, des jeux. Des jeux de mots. C'est ouais. Ça. Donc, depuis la montée en popularité, bien sûr, du téléchargement illégal sur Internet, l'industrie de la musique se tient de plus en plus près du ravin et de la banqueroute. Depuis 2005, les ventes de disques ont baissé à un point tel que plusieurs magasins de disques, distributeurs et même certaines maisons de disques ont dû fermer leurs portes faute de profits assez grands. Le constat est navrant et on peut se demander comment l'économie du disque compact pourra survivre pendant les prochaines années à venir, alors qu'elle subira assurément la fin de ses jours qui s'approche à grands pas. C'est déjà très triste, hein, dans un monde post-apocalyptique. Très déprimant. Oui, très déprimant. Nous pouvons quand même nous compter chanceux d'avoir connu les magasins de disques. Hein, nous autres, on a tous connu ça. Oui. Un vrai magasin de disques. Ouais. Pas comme c'est maintenant, un genre de superstore du CD. Ou un DVD. Mur de CD dans un magasin grande surface. Oui, c'est comme un magasin qui avant ne vendait que ça et qui maintenant a une section musique. À côté des jeux vidéo. Ouais, c'est fou quand même. Hein? C'est incroyable. C'est incroyable comment ça a changé. C'était les magasins de disques, ces endroits-là où on pouvait, où on venait le plus souvent qu'autrement, donc chercher des albums beaucoup trop chers, hein, parce que ça coûtait quand même assez cher acheter des CD. Moi, quand j'étais adolescent, là, c'était au moins 20$ du ouais. Disque. Et surtout quand tu voulais quelque chose de spécifique. Oh, tu sais, oui. Exemple, il n'avait pas un magasin, il faut que tu le commandes. Et là, ça les prix coûtait pratiquement 6$ de plus. Ouais, c'était incroyable, c'est incroyable. Et donc, il y avait également l'attitude snobinarde de la part des caissiers et les commis vendeurs qui nous regardaient de haut lorsqu'on achetait quelque chose qui s'approchait un peu de la musique un peu pop. Encore quelquefois. Ben, les vendeurs, non? Oui, il y en avait qui étaient corrects. Oui, non, il y a des exceptions partout. Oui, mais tu fais quand même de toi une risée si tu n'achètes pas de quoi qui est très, très drone ou très post-électronique ou des trucs comme ça. Mm-hmm. C'était assez spécifique. En tout cas, dans mon coin, là, on avait un Music World et un Musigo. Music World, tu te faisais franchement ramasser si tu achetais de quoi de pop. Là. Pourquoi t'as un enfant, d'abord, si tu peux pas l'acheter? Non, non, c'est juste pour dire qu'ils les ont. Hein. C'est pas ouais. Eux autres qui font les commandes, c'est ça qu'ils disaient. Et donc, c'était le bon temps. J'ai moi-même eu la chance, en fait, d'être un de ces petits snobillards-là, de commis-vendeurs, tout juste au début du déclin de la musique sous forme physique. C'était vraiment le bon vieux temps quand on pouvait se permettre de rire des dames âgées qui achetaient les disques de Star Academy et les jeunes qui pensaient tout connaître du monde de la musique lorsqu'ils achetaient des disques comme Green Day. Par exemple. Bon. On avait aussi les habitués, des gens qui, comme moi lorsque j'étais adolescent, passaient des heures à errer dans les différentes sections du magasin en se demandant comment pouvait sonner tel ou tel album de tel ou tel groupe, bien sûr, sans pouvoir rien acheter, faute de moyens. Et il faut se rappeler également qu'à l'époque des grandes chaînes, oui, il y avait alors des grandes chaînes de magasins, on refusait habituellement catégoriquement d'ouvrir les disques sous-scellés afin de ne pas faire entendre son contenu à son potentiel acheteur. Et c'était, bien sûr, avant l'âge dans l'Internet où c'est qu'il était presque impensable de télécharger des albums au complet avec nos bonhommes téléphoniques roulant à 14 kilobits par seconde. C'était l'éternité, quoi. Ben oui. Et tu sais, on voulait écouter de la musique, on voulait entendre c'était quoi, et bien souvent, on était obligé d'acheter un disque en se basant seulement sur la pochette et c'était parfois vraiment pas très bon. Mm. Oh, oui, c'est vrai. Hey, ça va bien aujourd'hui. Côté présence d'esprit, lave-la la chanson. Ouais. Mais ça, c'est bon, vraiment. C'est très bon. C'est quoi? C'est Adam Cohen. I don't wanna love you like a man by being above you like a man. I don't wanna hurt you like a man, but that's what I have. Don't wanna cheat and lie like a man, hold it all inside like a man, hide you behind a veil like a man, but that's what I am. I don't wanna be like them, those other men. Whatever came before me, well, that was them. I'll be better than those other men. I want you to cry like a woman. Take me for a ride like a woman. Use beauty as revenge. Like a woman does with a man. I don't wanna be like them, those other men. Whoever came before me, well, that was them. I'll be better than. I don't wanna be like them, those other men. So don't become my beautiful friend, the one I don't go home with when the night Adam Cohen, Like a Man, disque que j'ai reçu en cadeau de Noël, justement, version CD. Chose rare parce que j'ai pratiquement plus de CD. Mm-hmm. J'en ai à la maison, mais j'en achète pratiquement plus. J'ai reçu ça en cadeau de la part de mes beaux-parents. Oh, wow. J'ai adoré. Ouais. Adam Cohen, qui est le fils de Leonard Cohen, le grand chanteur et poète vraiment débile, que j'adore. Mais quand même, donc, on parle ici à Phénomène, première de l'année dans le cadre d'Assemblage requis, de la mort possible, potentiel décédé qui annoncé, approche. Oui, annoncé. Bon, en fait, de cette industrie du disque, en fait, non seulement des CD, mais des compagnies qui les distribuent, ainsi que ceux qui les vendent au détail. J'ai pu moi-même assister au début du déclin de l'industrie du disque. Donc, aux premières loges, j'ai été engagé, en fait, dans un magasin de la chaîne Musigo. En 2005, je pense. On peut faire des blogs parce que ça n'existe plus. Ça n'existe plus, exactement. Il y en a eu un. Au Carrefour, pense. Hein? Non, au Galerie du Cap. Ouais. Ben, peut-être au Carrefour. Peut-être au Carrefour aussi. Je pense que oui, ouais, c'est confirmé, au Carrefour. À ce qui paraît, c'était pas un super magasin au Carrefour. C'était tout petit, non? Ouais, c'est Galerie du Cap, la même chose. Ils font des boutiques cadeaux dans ce local-là maintenant. Ouais, ouais. C'est ce genre de truc assez ordinaire. En fait, on m'avait raconté que ceux de Trois-Rivières et du Cap, c'était assez. Ça faisait pitié, mais... Toi, c'était gros, quand même? Oui, le mien, c'était un vrai magasin de disques qui vendait de vrais albums. Mais, par contre, un peu comme ici, à Trois-Rivières, on poussait de plus en plus la vente d'albums de bas étage, entre autres du country autoproduit, ou bien des reprises de faillite, de moyens succès d'attendre au moins 10 ans. Donc, c'était des disques qui étaient trop imprimés et ils recevaient ça, eux autres, pratiquement gratuitement. On vendait ça 10$, ça en valait 99 sous, là, c'était... Un peu incroyable. Mais Musigo, c'était sa propre compagnie. Il y avait personne derrière ça. C'était pas une sous-branche de Dix Compagnie. Ou... Non. En fait, c'était une chaîne qui venait. Je crois que ça s'appelait Polisson auparavant. Ça avait 25 ans la chaîne, mais ça avait changé de nom 3 fois. Ah ouais. Mais c'était une toute petite entreprise. Là, c'est-à-dire qu'il y avait peut-être 5 personnes dans le bureau général. C'était au Québec seulement. Oui, c'était seulement au Québec. Okay. Et il y avait, je pense, 14 magasins dans leur plus haut. C'était pas extrêmement gros. Mais ce qui est quand même. Pas pire. Non, en fait, c'est correct. 14. Ouais, ça fonctionnait bien pendant que la musique allait bien. Ça allait bien, mais de plus en plus, Robert, qui était notre gérant régional, nous demandait de pousser, en fait, les ventes de ces disques-là qui étaient complètement affreux. Et lui, qui était un expert vendeur, il s'en vendre des caisses à du monde qui n'en avait même pas besoin. Un Esquimau. Oui, exactement. Il vendrait un friseur à un Esquimau. Et il s'est vraiment très bien débrouillé, en fait, pour essayer de nous rentrer cette mentalité-là dans la tête. Heureusement pour nous, ça n'a pas fonctionné. Ok, tu l'as pas fait. T'as jamais dit, hey, ça, là, Ginette et Serge, Jean-Noël. Non. Je me forçais plus pour vendre des vrais disques au vrai monde, ouais. En fait. Donc, on était loin des Virgin Megastore ou Virgin Store, simplement, ou les Music World de l'époque, hein? Music World, non, ça aussi, c'est un autre qui est disparu. Par contre, l'expérience musicale de notre équipe de quatre spécialistes nous a permis de se garder à flot quelques temps, donc pendant même une bonne partie de ce début de crise, en fait, qui est quand même assez fort. Malheureusement, on n'a pas vraiment pu empêcher le déclin naturel du CD au profit des MP3 illégaux ou légaux. Nous avons fait donc de notre mieux lorsqu'on comptait sur la sortie, la sortie du prochain album de Georges Jamel ou des Daresh, que quelque chose clochait. En fait, on attendait ça pour faire de l'argent. Mm-hmm. On commandait des caisses de Georges Jamel. Je sais pas si vous avez déjà vu les disques de Georges Jamel, ça se vendait quand même cher à l'époque. C'est genre 20 et ça se vendait? Ça se vendait beaucoup. Joliette, qui n'est pas une place réputée pour le country, là, pas du tout, du tout, du tout. C'est pas Trois-Rivières, c'est pas Saint-Tite. Là, c'est plus la musique folklorique, mais Georges Jamel et les Daresh, ça fonctionnait très bien. Nous avons donc compris que quelque chose clochait, bien sûr, et de moins en moins de gens venaient nous visiter malgré les faux sourires qu'on avait maintenant détempés dans le visage. La chute était commencée, puisqu'avant, tu pouvais avoir l'air snob, tu pouvais ne pas te laver pendant une semaine puis aller vendre des disques. C'était plus le cas, là, rendu en 2005-2006. Et donc, cette année, on a encore pu observer le déclin de l'industrie du disque alors que les ventes de CD ont encore reculé de 5% et ça fait 40% de recul depuis le début de la crise en 2005. Bien qu'on continue à donner les disques aux êtres chers pour Noël, comme moi qui ai reçu un beau cadeau d'Alan Cohen. T'es content? Oui, moi j'étais très content. On laisse tomber les magasins de disques pendant l'année au profit d'iTunes ou des torrents. Les disques, donc, ne sont plus vraiment rentables. Et afin d'éviter cette faillite, les magasins ont dû commencer à vendre des DVD, des jeux vidéo, des chandails de super-héros et autres gogos afin d'attirer notre intérêt. Les prix des disques ont baissé à un point tel qu'on peut obtenir de bons albums pour seulement 5$. Ça, c'est le fun, mais en même temps, ça marque à quel point le déclin de ces magasins de disques-là est enclenché comme ça se peut pas. C'est même surprenant de voir que des grosses chaînes sont encore capables de survivre. Là. Et pour pas les nommer, ben, je vais nommer l'ancien nom de la chaîne, bon. Is Master Voice. Donc, prenez les premières lettres de chaque mot. C'est britannique, ça, cette affaire. Ouais, c'est britannique, exactement. Cap chien, puis gramophone. Ils faisaient des tournes à disques, eux autres, dans le temps. Mm-hmm. Ça s'est transformé. Mais bref, c'est à se demander comment ils font pour rester en vie, d'ailleurs, sans être sur... Puis en plus, c'est que, je veux dire, ils sont pas dans les moins chers côté jeux vidéo ou autres trucs comme non, ça. Ils sont cher, dans les prix, dans les prix ou un petit peu plus cher. Un petit peu plus cher, même. Mais les CD et DVD sont de moins en moins chers, mais ils récupèrent leur marge de profit ailleurs. C'est ça. Et d'ailleurs, les CD qui sont moins chers, souvent, ça va être des anciennes éditions. Mais c'est pas grave, ça, c'est assez intéressant. D'ailleurs, la musique qu'on va entendre tout à l'heure, ça va être justement un disque que j'ai acheté hier pour 5$, qui est excellent, qui est vraiment très bon et qui sonne bien. C'est pas un mauvais CD côté fabrication. Et donc, malheureusement, lorsqu'on pense à la chute du CD, on oublie tous les gens que ça touche. Bien sûr, déjà à la base, plusieurs manufactures de disques ont fermé leurs portes dans les dernières années puisque les ventes ont baissé. C'est des centaines de travailleurs, même des milliers de travailleurs, en fait, qui se retrouvent à la porte. Et c'est sans compter les commis vendeurs de magasins de disques comme le mien lorsqu'ils ont fait faillite, qui ont laissé plusieurs experts de musique sur le trottoir. Et d'ailleurs, sur les quatre qu'on était à l'époque où je travaillais au Musigo, il y en a un seul qui travaille encore à vendre des disques, et c'est dans une librairie. Non, il est dans son élément. Il est même maintenant à Joliette, là, c'est le disqueur de Joliette. Ça y a fait une bonne réputation, mais les autres ont dû se trouver des emplois ailleurs, ce qui est un peu dommage. Pouvons-nous vraiment renverser la vapeur pour rendre l'industrie du disque rentable à nouveau? Est-ce que les compagnies et les artistes peuvent s'entendre pour vendre des trucs autres que des greatest hits ou des compilations du genre et laisser la chance aux jeunes artistes également? Est-ce que les radios commerciales également peuvent donner leur chance aux nouveaux artistes et donner un petit coup de pouce, en fait, à l'industrie du disque sans nécessairement attendre le succès sur le web? Nous autres, on fait déjà notre part, je pense, avec ça. C'est ça, mais ils peuvent aider eux autres aussi. Exactement, exactement. Et donc, une certaine forme de salut vu le jour avec le déclin du CD, bien sûr, c'est le retour du vinyle qui a permis aux maisons de disques de rester à flot. Effectivement, les fans de musique semblent s'intéresser à ces grosses galettes de plastique de 12 pouces plutôt qu'aux petites rondelles numériques qui sont froides et impersonnelles, en fait, selon moi. Moi-même qui avais déjà débuté ma collection bien avant que les magasins de disques commencent à perdre de la vitesse, salue ce retour. Malheureusement, les grandes chaînes comme Archambault ou Is Master Voice, mettons. Archambault, c'est un nom de famille. La sourde oreille, ils refusent de ramener le disque vinyle dans leur magasin et aiment mieux couler avec le reste de l'industrie. Eh bien, sayonara, les amis. Moi, je retourne écouter mes vinyles chez nous. Et donc, il s'agit de Tom Waits avec la pièce homonyme à son album de 1983, Swordfish Trombone, que j'ai d'ailleurs acheté pour 5$ dans un magasin d'une grande chaîne de disques. Et c'est un des meilleurs de Tom Waits. Et je connaissais pas vraiment Tom Waits. Je voulais pas mettre de l'argent non plus sur son dernier album qui coûte quand même assez cher. Et il y a une bonne partie de ses disques qui sont vendus à 5$. J'ai vu du Kiss également hier dans ces rayons-là. C'est vraiment le fun. Ça coûte vraiment pas cher. Donc, allez encourager un peu les magasins de disques. Et à la fois indépendants également. Allez chez nos indépendants. On en a à Trois-Rivières. D'ailleurs, ouais. Allez-y aussi. C'est très important. Et d'ailleurs, ils vendent beaucoup de vinyles, eux autres. Colimaçon. Oui, Colimaçon, exactement. On peut dire ceux-là. On se permet. Tu sais. Je pense pas qu'ils vont être déçus qu'on en parle. Ils ont de très bons disques vinyles, autant usagés que neufs, beaucoup de neufs. Donc, allez également les encourager, parce que le CD, c'est bien beau, mais le vinyle, c'est bien meilleur. Ah, wow! Et d'ailleurs, c'est ce qu'on parlera la semaine prochaine, le vinyle, parce qu'on n'en a pas parlé comme tel. On a parlé du stéréo sur le vinyle, du mono, mais on n'a pas vraiment parlé de cette, ce plastique génial. Oui. Mais le vinyle. Si vous voulez voir, on parle d'acheter des disques, là, si les gens veulent voir ça comme une économie d'argent, vous allez sauver de l'argent par rapport à Internet. Là. Oui. Mettons vous allez sur iTunes, vous allez être moins, ça va vous coûter plus cher que 5$. C'est ça, assez incroyable. Maintenant, c'est rendu moins cher d'acheter la version physique que d'aller l'acheter sur Internet, alors que c'est juste des kilobits et des. Et voilà. D'ailleurs, iTunes fait 300 millions de profits par mois. Par mois? Ouais. Ouais, 313 millions. C'est rendu le magasin de disques le plus rentable au monde et je pense même le magasin de musique le plus rentable de l'histoire de la musique. Ouais, en tout cas, quoi qu'on en pense sur l'argent et tout ça, et ils le méritent parce que je veux dire, à un moment donné, ils ont fait quelque chose qui a marché. Là, je veux dire, non, c'est ça, ils l'ont mérité, cet argent-là. Ils ont établi un monopole. Ça a bien fonctionné. Ouais. Ouais. Bon. Donc, Plug Time? Oui! Plug Time! Hey! Parle de tes émissions, Simon Fédubé, qui s'en vient de sur nos ondes. Commençons par vendredi, à l'émission Album Classique. Effectivement, Album Classique, mais on va entendre du Tom Waits, justement. Hey! Tu sais, question d'être concept et d'être conséquent, de rentabiliser mes achats. Black Sabbath, ces CD-là. Hein, ouais, ouais. Donc, c'est à 10h, vendredi matin, Album Classique, justement, Rock Classique. Parlant de Rock Classique à 11h, c'est ta chronique Les éphémérides du rock. Oui. Donc, évidemment, toute la semaine. Et les semaines d'avant, est-ce que tu vas faire le résumé des fêtes? Ou... Non, pas encore. Peut-être qu'éventuellement, ce sera dans les choses qu'on pourra faire. Mais déjà qu'on a de la misère à rentrer une semaine heure, là, on va s'en tenir à ça pour le moment. D'accord. Mais il faudrait le faire un jour. C'est semaines oubliées. C'est difficile. Moi aussi, quand j'ai refait CNX en ce début d'année, j'ai essayé de faire genre le résumé en prenant que les grosses affaires puis en laissant faire le reste. C'est bon. Ah ouais. C'est dur. Lundi, à l'émission Catalepsie, c'est à 20h. Oui, nous serons vulgaires puisqu'on va s'attaquer à la vulgarité ainsi qu'aux jurons. Inacceptable. Ah, ça sera pas rediffusé, je crois. On va garder notre plaque, notre planche d'or, c'est-à-dire de 8 à 10, là, pour pouvoir justement... il va y avoir des avertissements aussi, là. N'ayez crainte. C'est à ne pas manquer. Nos oreilles ne seront pas... c'est ça. Brusqués, voilà. Ah, ouais. S'ils sont sensibles, les oreilles, ils vont être brusqués quand même, même si c'est averti. Donc, c'est lundi soir à 20h pour l'émission Catalepsie. Ça fait le tour? Oui. Allez voir le cif.ca pour la programmation complète si jamais vous avez oublié quelque chose. Et ces émissions, mettons, l'émission Album Classique, voilà, est rediffusée le samedi à 16h. Et quel jour ça a changé? Ça a changé. Mardi à 17h, je crois. Mais ah, voilà, c'est bien ça. Donc, voilà. Merci, Simon. Merci beaucoup. Toujours très bon, ça. Oui, très bon. C'est pas d'habitude. On revient tantôt avec François Landry et sa chronique Logocratie 101. On va parler de CAC ADQ. Oh, la fusion. Ouh. Cette fameuse fusion. Fusion. Et c'est le fun de le dire vite, CAC ADQ. Je le sais, je l'ai dit tout le temps, puis j'aime ça. Hein. C'est facile des fois, mais je trouve que les oreilles sensibles, là. J'aime pas ça. Restez là. C'est fou. Pour l'écouter. Assemblage requis est une présentation du service aux étudiants de l'UQTR. François Olivier, Mathieu Plante. Assemblage requis en pièces détachées. Non, reviens. Toi, Mathieu. Tu reviens jamais. On t'aime. Toujours assemblage requis, François Vier Marchand, Mathieu Plante. Nous aussi, on t'aime, François. On t'aime. Oh, on t'aime en tabarouette. Tabarouette. Hey, je l'ai dit plus. Non, c'est vrai. Je l'ai dit plus. J'ai pas remarqué, mais oui. Je l'ai dit plus. Non, ben, ça fait quand même longtemps. Je pense que depuis que j'avais entendu Simon Fitzbé m'a. T'imiter. Ouais, m'imiter. Ouais, j'avoue, je le disais souvent. Ça t'a offusqué. Hein? Non. C'est bon d'avoir ces patois. Ouais. C'est vrai. Mm-hmm. Ben oui. C'est réconfortant. C'est pas comme je disais, tabarn. Et burst lap. Garde ça pour lundi. Ouais, c'est ça. Ouais. Entre 8h et 10h. Ouais. 20h et 22h. Oui, c'est ça. T'as raison, 20h et 22h. Je sais pas pourquoi. J'ai tout le temps les vraies heures en 24h. Je dis tout le temps ça. Puis là, soudainement, une fois, je dis entre 8h et 10h. C'est vrai. Ah, mais c'est les choses qui arrivent. Ouais. Mm-hmm. Bon. Est-ce qu'on parle de politique? Parce que François Landry est là puis il nous regarde comme si on était tous des imbéciles. Il nous regardait même pas. Non, c'est vrai qu'il nous regardait pas. Donc, François Landry, voici sa chronique Logocratie 101. S'il vous plaît. Collègue. Le début est solennel. Dangereux. Royal. Collègue, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Et cela, pompeux, royal. Bonjour François Landry. Bonjour Mathieu Plante. Bon matin. Bon matin, monsieur. Bonne année. Bonne année. Oui. Écoute, je vais faire comme mes matantes, là. Je vais vous souhaiter de la santé. Oui. Mais là, avec. Succès dans vos études. Oui, c'est ça. Tu joues à peine ça. Mais de la santé démocratique surtout. Ah, ah. Pour faire un lien avec ma chronique, au moins, tu sais, je suis pas. Je sais pas si vieux jeu que ça, ben santé, succès dans tes études, l'amour, puis... Une petite blonde au printemps. Une petite blonde au printemps. Juste au printemps, tu sais. C'est ça. C'est vrai que ça se passe, hein. C'est le meilleur moment. Donc, caca des culs aujourd'hui. Oui, le caca des culs, oui, parce que... Je l'ai pas trop vite, là. C'est vous autres que vous me l'avez fait remarquer, puis c'est pas ça. Quand je vois ça, c'est... Je vois juste caca, ah, des culs. Tu vois ça? Ben ouais. Oui. Non, je te jure, OK, là, j'aime ça. Là, ça, tu le sais. Ça signifie beaucoup de choses présentement. Parce que je voulais commencer la saison, la nouvelle année 2012, en faisant mes projections pour l'année. Comme je fais à chaque début de session. Donc, en septembre dernier, j'avais dit ce qui va se passer peut-être cet automne. Puis je m'étais planté royalement. On a parlé d'élections. D'élections, mais ça passait proche. Écoute, ouais, là, soyons francs, ouais. Ça passait proche. Mais il y en a eu une partielle. Ouais, au moins mon honneur est sauf là-dessus. Là, je me suis dit, écoute, je prépare cette semaine, je préparais la rentrée. Je dis, qu'est-ce qui va arriver cette année? Vu que l'Assemblée nationale recommence seulement le 14 février prochain, je dis, on a en masse de temps pour faire un pool, non pas électoral, mais un pool de prédilection. Là. Qu'est-ce qui va arriver? Mais là, partout, je rouvre mes journaux le 9 au matin, puisque comme Simon, j'ai hiberné pendant le temps des fêtes. Oui. Là, je rouvre mes journaux lundi matin, puis qu'est-ce qui s'est passé pendant le temps des fêtes? Écoute, le Père Noël a été grandement sollicité pour envoyer des cadeaux un petit peu partout. Il y a eu des transfuges au fédéral, au provincial. Il y a eu une négociation de fusion entre les partis qui avait déjà commencé, mais là, ça a commencé lundi. La fusion a commencé. Le vote a commencé entre la CAQ et la DQ, la CAQ et DQ. Donc, la CAQ et DQ a arrêté de s'en tenir. Et ça se déroule jusqu'à quand, ce vote-là? Vendredi. Demain. Okay. Demain. Ça, c'est par la poste. Ouais. Faut que tu l'envoies. Ouais, c'est ça qui est fun. Fait que. Je vais en parler plus tard. Okay. Le nombre de membres, le nombre de personnes qui vont voter, puis le nombre de personnes qui vont penser à les reposter la lettre. Ça se pourrait que. J'espère qu'il n'y a pas de quorum pour un seuil minimal de vote, parce que d'après moi, Deltel et sa gang de députés vont être les seuls à avoir voté là-dessus. Mais il y a une opposition qui s'organise et c'est là-dessus que je voudrais revenir aujourd'hui. Ouais. Je vais vous parler de la fusion plus tard dans la session, mais là aujourd'hui c'est l'opposition à la fusion. Mais juste pour commencer l'année avec un sourire d'en face, parce que je veux juste vous réjouir. Mathieu, t'aimes la politique plus ou moins. Bon, plus ou moins, ouais. On va être honnête. Là. Mais t'aimes beaucoup les chats. Oui, et tout à fait. Mais si on fusionne les deux, okay. Oui. Hein, là tu vas triper. Là. Ouais, ouais. Okay. Savais-tu que la CAQ a présentement un chat comme membre? Ouais, monsieur. Ben non! Ouais! Qui l'a inscrit? Je sais pas. Jean-René Dufort? Non, il est en vacances. Comment il s'appelle? Gros Minet? Non, il s'appelle. C'est encore plus noble que ça. Écoute, il y a un chat de couleur caramel répondant au nom de l'abbé. C'est un l'abbé curé. L'abbé Cliche. L'abbé Cliche. Qui a reçu en décembre dernier sa carte de membre officielle de la CAQ, malgré que la CAQ n'octroie pas de carte de membre. Ce qu'ils font, c'est qu'ils te font parvenir un papier. Puis ça marquait imprimer cette feuille et découper ben non. votre adresse ben et ça non. fera office de carte. What? Oh, c'était écrit ça dans la lettre. Ben voyons. Écoute, donc le félin a eu un nom rigolo, l'abbé Cliche. A fait sa demande le 15 décembre dernier par Internet. Mais il n'y a personne qui regarde ça. Écoute, c'est la CAQ. On s'entend, c'est juste ça devrait résumer le côté broche à foin du sport. La CAQ. Ouais. Donc, il a inscrit dans la feuille d'inscription sur Internet, nom, prénom, un hotmail. La bicliche. That's it. Et ça prend juste ça, devenir membre de la CAQ. Pas d'adresse? C'est facultatif. Donc, numéro de téléphone facultatif. Donc, il reçoit une première lettre pour dire merci beaucoup, M. Cliche, d'être membre de un courriel? Oh, il a reçu un courriel de François Legault, écoute, avec sa petite signature électronique dans le bas. Là, il y avait plein de fautes de français dedans, mais là, la CAQ s'est rendu compte qu'il y avait des erreurs. Ils ont retourné une autre lettre, corrigée, mais toujours au même chat, là. Incroyable. Hey, c'est quelque chose. C'est quelque chose, oui. C'est quelque chose. Donc là, quand la CAQ a été mise au courant de ce subterfuge, de cette farce, de cette... cette gaffe incalculable. Incalculable. De cette gaffe. Je suis pas assez fort là-dessus. Donc là, ils ont dit, ouais, c'est très embarrassant. Alors, on s'excuse, mais... Là, ils se sont défendus. Il faut pas oublier que le PQ a déjà reçu une plante verte comme membre et que l'ADQ a déjà eu Omar Bongo comme membre. Oui. Omar Bongo, dictateur africain. Ah oui. Ça, c'était Jean-René Dufort. Jean-René Dufort, oui. Mais la plante verte, c'était des tripeux comme nous autres, qu'on pourrait inscrire n'importe qui. Mais juste le Parti libéral, que lui... Je pense que eux autres, leur système était tellement bien rodé qu'il doit y envoyer des agents ou de la mafia chez chaque foyer pour dire « T'es-tu membre? » Ça te prend un enveloppe brune, tu verras. T'as-tu deux jambes encore qui fonctionnent? On ne t'es jamais cassé. Parfait, tu peux devenir membre. Mais pour devenir membre de la CAQ, comme je disais, un simple formulaire Internet, nom, prénom, hotmail, courriel, tout simplement. Et même pas d'argent dépensé. Donc, l'ADQ, ça coûte 10$ devenir membre, mais tous les autres partis politiques au Québec, c'est 5$. Donc, c'est juste symbolique. Donc, tu fais l'effort de, mais pas à la CAQ. Donc, tout le monde peut devenir membre de la CAQ, et ça me tente grandement d'y aller. Ben oui. Parce que, imaginons, OK, on fait un pari fou, là. On devient ici, les quatre, là, on fonde l'association de Trois-Rivières de la CAQ. OK. On choisit qui va être notre candidat, puis on peut se faire du fun. Monsieur Legault choisit pas lui-même les candidats? Ben attends, on peut faire une belle campagne pour justement dénoncer l'injustice, l'antidémocratie dans ce parti-là. Il va choisir, mais si ça va à l'encontre de l'association... Mettre la crotte dans le parti. Ouais, ça serait le fun. Juste pour voir les rouages démocratiques de ce parti-là. Parce que je parle de rouages, vous allez voir, ça fait un lien avec ce qui se passe à l'ADQ. Un lien boiteux, soit, mais quand même, ça démontre... l'opportunisme politique de ces deux partis-là. À l'ADQ présentement, laissons tomber la CAQ pour l'instant. À l'ADQ présentement, ils sont en processus de consultation pour fusionner avec la CAQ, à savoir si le parti va se saborder, donc le parti va être éliminé de la map politique pour rejoindre donc les finances, les députés, le même tout, là. Va rallier la CAQ. Donc, il n'y aura pas de CAQ ADQ, ça va être la CAQ. L'ADQ va tout simplement mourir. Elle aurait eu 18 ans cette année, la DQ. Là. Elle devient majeure, elle meurt. T'sais, c'est comme un bad trip d'acide. Là. Yes, sir, party fight, on meurt. Ouais. Bon. Donc là, il y a plusieurs membres de l'ADQ qui sont extrêmement déçus. Ils disent, nous autres, on veut pas rallier la CAQ parce que la CAQ, c'est un parti de centre. Et même, il y en a qui disent que c'est de centre-gauche. Et même, il y en a qui disent que c'est de la gauche, tout simplement, de la gauche efficace. Ça, la gauche efficace. Il va falloir qu'on m'explique ce qu'est la gauche. Oh, oui, ça, c'est Jean-François Lisée, l'éminence grise du Parti québécois, qui appelle la gauche efficace. On en parlera. À un moment donné, quand j'aurai compris, d'où ce qui sort, ça? Là, donc, il y a des membres de l'ADQ extrêmement déçus, dont un, Éric Barnabé, un chauffeur de taxi de Québec qui est sans emploi présentement, donc sur le chômage sûrement, qui, lui, veut relancer un parti de droite. Donc, il a créé un nouveau parti politique à droite. Il dit « Moi, j'assume mon côté droitiste, plus à droite que l'ADQ encore. » Et il a réservé le nom au DGE, donc au directeur général des élections, pour équipe autonomiste. On se rappelle que le slogan de l'ADQ, c'était l'autonomie. Tout le temps, c'est tout le temps ça. Donc, il dit, nous autres, on est la vraie Action démocratique, on va s'appeler l'équipe autonomiste. Sauf que là, lui, il veut avoir beaucoup de membres. Il dit même que j'ai la solution pour régler les problèmes au Québec. Je vais la dévoiler plus tard. Habituellement, celui qui a la solution, c'est un preacher ou un gars qui part une secte ou... Jésus, t'sais, un genre de Jesus freak. Là. Oui, oui. Ça marche pas, ça a l'air. T'sais, ça fait 2000 ans que Jésus est venu au monde. Ça, les problèmes existent encore. Donc, je me méfie beaucoup d'Éric Barnabé, mais il me fait bien rire en disant « Je vais partir une autre partie de droite pour remplacer l'équipe autonomiste. » L'équipe autonomiste. Donc, ça, c'est fait. Ouais. Exactement. Donc, c'est enregistré. Il y a 80 noms sur 100 de récoltés pour partir son parti. Ouais. Ça prend à ça. Donc, ouais. ça va bien quand même. 80% de l'objectif de fait. Mais depuis le mois de décembre, on s'entend que c'est assez lent. Ouais. Ben, c'est sûr, parce que ça, à la limite, en dedans d'un mois, quelqu'un qui s'y met un peu, c'est quelque chose de faisable, je pense. Ça se ferait, mais bon, on verra. Mais là, il y a plusieurs personnes de l'ADQ qui sont contre ce parti-là. Donc, la chicane est déjà pognée dans ceux qui sont contre la fusion. Donc, entre les anti-fusions, la chicane se pogne entre bon, pas de nouveau parti politique. Nous autres, on veut conserver l'ADQ. Et parmi ceux qui veulent conserver l'ADQ, il y a l'aile radicale, que je pourrais qualifier entre guillemets comme ça, Garcia et Adrien Pouliot, qui sont des libertariens, membres de l'ADQ, qui sont membres de la commission, sont les conseillers politiques de Gérard Deltel. Donc, ceux qui sont vraiment plus proches de la pensée conservatrice, économique et morale à l'ADQ. Eux autres sont anti-souveraineté, anti-gauche. Bref, appelons-les l'aile radicale de l'ADQ, même, j'aime pas l'expression, mais c'est quand même ça. Eux autres disent non, on va se battre carrément pour conserver l'ADQ telle qu'elle est. S'ils veulent faire un processus de consultation référendaire ou de consultation postale, soit faites-le, mais ayons un débat. faisons un congrès, faisons un conseil général, faisons un débat sur la place publique. Et pour ça, nous avons besoin de la liste de membres de l'ADQ. On avait 2550 membres de l'ADQ au moment où on a annoncé une possible fusion. Donc, on veut avoir cette liste-là pour contacter un par un ces membres-là pour leur dire, écoute, il y a deux choix qui s'offrent à toi. Le oui et le non. Présentement, l'establishment de l'ADQ dit juste, c'est le oui qui s'offre à toi. Il n'y a pas de non possible. Là. Donc, on fusionne. Non, c'est sûr. On fusionne. Puis, t'embarques ou t'embarques pas. C'est ça. Donc, le clan non n'a pas les mêmes moyens que le clan oui pour faire ça. Donc, ils ont dit, on va regarder les règlements généraux de l'ADQ. Et il y a une clause qui dit que si 50 membres signent une pétition, une genre de pétition, on va réclamer la tenue d'un conseil général sur un point très précis. C'est comme une assemblée générale spéciale, sur un seul point, sur la fusion. Ayons un débat sur la fusion. Et là, l'évêque, là, je me souviens plus de son nom, là, mais le président... Non. L'abbé Cliche. L'abbé Cliche, oui. Non, le président de l'ADQ, pas le chef, mais le président, a regardé ça et dit « Non, ça fonctionne pas, mes amis. Selon le règlement, seul... les personnes élues à la CAQ, pas les députés, là, les personnes élues, donc le président de la circonscription d'un tel, le président de la commission. CAQ? À l'ADQ, excuse-moi, okay. J'ai fait un lapsus, mais bientôt, ça, on le fera plus. Donc, il dit seuls les êtres élus peuvent voter et non pas les membres, des simples membres. Donc, les membres, eux autres, on sollicite leur argent, leur appui, puis restez chez vous, on veut plus rien savoir de vous autres. Ouais. C'est à peu près le gros, ce qui se dit présentement à l'ADQ. On veut votre vote, mais d'un titre, parlez pas. Fait que là, ils sont en train de regarder qu'est-ce qu'il y en est. Mais, écoute, comme je disais, ce que les anti-fusionnistes disent, c'est que les députés restants, donc Deltel et les autres, là, Roy, Grondin et Bonnardel, ont sacrifié leur parti au profit de leur carrière. C'est carrément ça le leitmotiv qui est derrière. Leur geste, selon fou. Les anti... Oui, c'est pas fou, parce que écoute, ils ont l'ADQ tatoué sur le cœur. Ils se sont défendus corps et âme. Puis Gérard Deltel, on s'en souvient, même à Infoman l'avait dit juste avant les fêtes. Il dit l'ADQ sera là au mois de janvier. Je serai le chef de l'ADQ pour les prochaines élections générales. Mm-hmm. Et 2-3 heures après, on apprenait que ça en était fini pour l'ADQ. Parce qu'il avait juré sur un bottin de téléphone. Non, ça, c'est juste ça. Mais tout ça pour dire qu'il sacrifie un parti politique dûment enraciné au Québec qui est quand même assez efficace pour la transmission d'idées, le courant de pensée, et qui ça prend un parti de droite au Québec comme ça prend un parti de gauche pour avoir deux discours se faire une idée beaucoup plus précise. Parce que là, on va juste avoir les partis de centre. Habituellement, quand tu t'en vas toujours tout droit, il y a un mur qui arrive. Là. Donc, maintenant, il faut que tu vires à gauche ou à droite pour contourner le mur. Mais là, on se dirige, le Québec se dirige vers un gros mur de béton armé, puis on va se réveiller le lendemain matin avec la plus grosse gueule de bois. Mais on n'aura pas eu de fun la veille. Non, c'est ça qui est le pire. C'est ça qui est le pire. Au congrès de fondation de l'ADQ en 1994, il était clairement stipulé dans l'article prédominant « L'ADQ fonde un programme sur la démocratie et l'amélioration du processus d'expression de la volonté populaire. » Et là, les membres n'ont même pas le droit de se prononcer, que ce soit volontairement ou par l'entremise d'autres moyens, sur oui ou non la fusion. Il y a présentement 2500 membres. C'est un vote postal. Habituellement, le taux de participation... S'il est en bas de 10%, je ne serais pas surpris. Ouais, postal en plus. Parce que là, tu reçois ça, tu déballes la lettre. Faut que, d'un, quand tu vois le logo ADQ arriver, tu te dis, est-ce que je me mets ça dans la poubelle ou je rouvre la lettre? Bon, tu rouvres la lettre parce que t'es membre d'un parti, habituellement, tu veux savoir ce qui arrive. Tu rouvres la lettre, tu vois ça, oui ou non? Je sais pas. Je vais réfléchir à ça. Ah, c'est ça, t'as mis sa table. Ah, tu barres tes options, t'écris « On verra ». On verra. Ça serait bon, ça, l'option. Donc, le taux de participation sera de combien, je sais pas. Mais l'indice qui nous laisse penser que ça va être très, très bas, c'est que 2500 membres, mais à date de lundi, il y avait 1000 membres où leur abonnement à l'ADQ arrivait à échéance. Donc, mais pas de ces 2500. Donc, c'était 1000 autres membres qui étaient dans un flou. Ben, il y a toujours un tampon. Il y a trois catégories de membres dans un parti politique. Les membres actifs, les membres en processus de renouvellement, puis ceux qui y ont quitté. Donc, ceux qui étaient en processus de renouveler étaient au nombre de 1000. Et combien sur les 1000 ont renouvelé, donc, auraient pu avoir le droit de vote pour l'ADQ, pour la fusion? 12. Pas 12%, là. 12 sur 1000. Donc, 12 personnes qui se sont dit « Moi, je reste à Adekis et je veux voter. » Donc, c'est pour ça que ça laisse présager que le taux de participation va être très, très faible. Parce que habituellement ceux qui sont contre un projet, eux autres se mobilisent beaucoup plus facilement. Donc, sur les 1000, est-ce qu'il y en avait seulement 12 qui étaient contre la fusion? Donc, eux autres ont dit « Je vais me redevenir membre pour voter non. » Comme disait l'autre, on verra pour ça. Ouais, moi, j'ai un ami qui était des kystes depuis 2007, je crois. Il avait renouvelé dernièrement. Pas dernièrement, mais en fait, la dernière fois qu'il a renouvelé, c'était pour 2 ans. Et là, il disait qu'il était pour voter pour la fusion avec la CAQ, non seulement pour que la DQ, ce soit fini, mais aussi pour ne plus être membre du parti, parce qu'il était comme pogné avec eux autres pour 2 ans. Et lui, il est devenu maintenant membre de l'Union nationale, Option nationale. Même chose. Même toujours un lapsus, hein, mais il peut pas être membre officiel tant que son temps est pas fait à l'ADQ. Sa sentence, c'est pas terminé. Ouais, et Bisque s'est déjoint à l'ADQ parce qu'il y avait un bon programme pour les régions. Il a fait pareil avec Option nationale. Donc, ça reste un peu les mêmes motivations, mais bref. Ça va être intéressant de voir le nombre de gens qui vont voter, sérieux. Moi, j'espère qu'ils vont dire combien de personnes. Le 22 janvier prochain, la firme Sanson Bella, Grant Thornton, l'autre firme, celle-là, vont dévoiler officiellement, publiquement, je ne le sais pas, mais officiellement, les résultats du vote. Donc, c'est jusqu'à demain qu'ils ont pour voter. Ça va être seulement en pourcentage, on sait bien. Oh, on va dire un taux de participation de plusieurs. 3%. Non, ben comme disait Simon, ça va sûrement être 70% se sont prononcés pour le oui. Mais 70%, ouais, 7 sur 10, ben, c'est 7 personnes sur 10, c'est pas... On verra pour le 22 janvier, mais considérez que l'ADQ est officiellement morte parce que l'establishment, les députés veulent la fusion pour sauver leurs fesses, pour avoir la pension de retraite de l'Assemblée nationale. Ça, c'est clair, net et précis. Mm-hmm. Mais aussi, la CAQ, ça va être beau d'avoir ça. Une aile fédéraliste de droite et un François Rebello de gauche nationaliste. Ça, j'ai juste hâte de voir les débats à l'interne. Mais ça, on en reparlera des transfuges plus tard parce que j'ai pas encore fini de digérer ce qui est arrivé dans Saint-Maurice-Champlain, notre chère députée Lise Saint-Denis. C'est assez particulier. Hein? Puis j'aimais ça parce que j'ai vu, justement, t'as posté sur Facebook là, le pourcentage des votes par parti. Mm-hmm. Et c'est là que c'est choquant. Oui. Elle a eu 40% en tant que NPD. NPD, c'est et ça. Elle a élevé son capot de barre, donc elle tire un trait sur le NPD. Et selon la définition des dictionnaires, j'ai regardé c'est quoi un transfuge, c'est un traître. C'est le synonyme le plus beau de transfuge, c'est traître. Donc, elle a trahi le NPD, elle est devenue libérale, et libérale est arrivée quatrième. C'est ça, elle est arrivée le bon dernier. 11%. Et pas 39,9% là, derrière le NPD, à 11%. Dans l'ancien comté de Jean Chrétien, c'est ça qui est assez incroyable. Hein? Oui, avec une attachée politique qui est une ancienne candidate libérale, il n'y a pas de lien à faire, mais hello! Ouais. Hein? Et elle est partie avec? Ben, elle est avec, toujours son employé. On s'entend qu'elle réchauffe le siège pour dans 4 ans. Je vous invite à aller sur le site du Nouvelliste, lire la lettre d'opinion qu'Alexandre Dumas a écrite. C'est un des collègues en études québécoises qui était très, très frustré. C'est son ancien comté, lui maintenant habite à Trois-Rivières pour ses études. Mais elle vient de Saint-Maurice-Champlain. Et il était assez frustré cette journée-là. Très belle lettre, effectivement, parue hier dans le Nouvelliste. Une belle plume. Une belle plume, oui. Il y avait également aussi un texte sur Livire Capot qui a été publié sur lapresse.ca. Ouais. Et là, ça continue dans les journaux encore un matin, d'autres lettres. Et il y a depuis hier soir une pétition en ligne pour demander la démission. Pour justement demander la démission. Et là, Robert Aubin, député néo-démocrate de Trois-Rivières, et Hélène Brousseau, députée néo-démocrate de Berthier-Masquinongé, demandent aussi la démission de Lise Saint-Denis. Donc, ça commence fort l'année. Là. C'est beau. La chicane est pognée. L'arcane est pognée. L'arcane est pognée. Donc, on n'a pas fini, messieurs, en 2012, de parler politique parce que ça va être une année probablement d'élection générale, probablement de démission de Pauline Marois, de naissance de la CAQ, de... Écoute, Là, moi, je peux prédire l'élection pour pas vraiment te tromper. Là. Ça va être dans l'année pas mal. Là. Non, même pas. Tu peux tromper. J'ai une chance sur deux. Ah, ouais. Une chance sur deux parce que le mandat finit en octobre 2013. OK. Mm-hmm. Mais bon, on s'entend que... Ça fait déjà un an qu'on en parle, qu'il y a des potentielles élections qui s'en viennent et Jean Charest semble faire allonger le suspens. Le gros indice qui nous laisse à croire que c'est pour bientôt, le thème de la campagne électorale de Jean Charest est déjà trouvé. Le plan now. Non, le plan. C'est tout simplement un plan pour le Québec. Plan. Un plan. Nous autres, on en a un plan. Ah oui. On cultive un plan. Donc, puis en même temps, c'est sûr, j'imagine que lui, dans son stratège, c'est de devancer un peu, mais pas la CAQ, mais tu sais, la CAQ sont comme pas prêts encore, je pense. S'il attend, non, au contraire, s'il attend trop, François Legault peut se planter, donc il peut juste baisser là, dans les intentions de vote. Oh, ouais, parce que là, déjà, Moi, je les aurais pris de vitesse, on dirait. Ben, les deux stratégies sont bonnes, mais là, il est comme trop tard. Il aurait fallu qu'il fasse ça au mois de novembre dernier, quand la CAQ n'était vraiment pas préparée. Et là, plus il attend, plus la CAQ se prépare, mais plus il a le temps de se planter aussi. Parce que là, l'arcane va pogner entre la droite fédéraliste et un rébello nationaliste. Et les autres péquistes qui risquent de faire sont bons. Ils vont faire le saut parce qu'il y a des rumeurs encore qui circulent comme quoi d'autres. Des Pauline péquistes, Pauline qui s'en va à CAQ? Là, c'est ça, j'applaudis. Il y a quelqu'un qui avait écrit sur Twitter hier, si Pauline s'en va à la CAQ, t'as vu que tous les péquistes vont retourner au sein du PQ, donc François Legault. Ça serait peut-être une bonne idée. Une fusion PQ-CAQ. Wow. Ça, c'est bon. Ça serait la caca des culs PQ. La caca pic. La caca pic. La caca des culs à pic. La caca des culs à pic. C'est bon, Mathieu. Ouais, c'est merci. Bon. Mais Jean Charest avec le plan. Il pourrait faire des liens. Nous, on est capable de garder nos députés dans les rangs. Mathieu, d'autres jeux de mots avec plan? C'est un peu, là. J'en avais un sur Rebello. Ça a l'air d'un bon popsicle. Ça a l'air d'un bon popsicle, Rebello. Plusieurs couleurs, ouais. Puis ça nous coule ses doigts. C'est pas le fun. C'est ça, c'est gluant un peu. C'est léchant en image, mais à un moment donné, c'est fade. C'est fade. OK, puis sinon, j'allais dire que j'allais te remercier pour ta chronique qui mettait vraiment du piquant dans l'émission « Tel un cactus ». Oh! Cactus. OK, merci les gars. Incroyable. C'est ça. Je vais aller la réfléchir, puis je te reviens la semaine prochaine si j'y ris ou pas. Tweet-moi ça. Tweet-moi ça. Tweeter ça. Dans le caca des culs. Un popsicle rébello, et en plus, on peut faire comme lui, demander à sa mère si on peut en changer, parce que lui, il a demandé à sa mère s'il devrait changer de parti. Oui. Comme Gilles Duceppe qui présentait un tracteur comme sa grand-mère. Oui, ma grand-mère avait les roues. Oui, rébello, lui, avait sa mère qui était là, et François Legault a également salué la mère de rébello, étant une de ses grandes amies. Et sa mère qui le tient par le bâton. Hey, je me demandais cette semaine avec une amie, en fait, Marie-Hélène Laroche, on se demandait, pour être un jeune péquiste, est-ce qu'il faut avoir les cheveux gris? Parce que au sang, les cheveux gris, il y a moins de 40 ans. Rebello, 40 ans, cheveux gris, démissionnaire également. C'est ça, parce que ils disent toujours la relève au Parti québécois, les jeunes péquistes, ils ont 40 ans avancés. Ouais. M'excuse, j'ai la trentaine, puis je me considère même plus comme un jeune. Ouais. En politique, je serais membre de la commission jeune du Parti québécois. Ouais, mais au c'est jusqu'à 35 ans, sauf qu'on s'entend-tu qu'à 30 ans, t'es plus un jeune. Ouais, on s'entend qu'au prorata des membres du PQ, à 40 ans, t'es encore dans la tranche des plus jeunes. T'es dans le 10% des jeunes qui tandis restent. Tandis qu'au PLQ, à 40 ans, t'es sur le bord de ta retraite. Là. Ouais. Et dans Option nationale, si t'as 25 ans, t'es considéré comme un doyen. Là. La moyenne d'âge à Option nationale, présentement, de 20 ans. Ouais, c'est ça, c'est incroyable. Ils ont 500 membres. Là. On s'entend qu'il y en a 300 à l'UQTR. au département d'histoire des études québécoises. Hein? Ça ressemble à ça pareil. Ouais, il y en a beaucoup. Mais la moyenne d'âge est de 20 ans. Donc, on verra. J'ai hâte de voir la plateforme. Non, je ne dirai pas. Je ne parlerai pas. Oui. Bon. Merci, Mathieu. Hey, merci, François-André. Ça fait plaisir. C'était super beau. On se retrouve la semaine prochaine, jeudi à 8h30 pour Logocratie 101. Ouais. Ça va être bon, ça va être bon. Nous, on se quitte. C'est la fin de l'émission pour la semaine au complet. François, on va revenir lundi, je pense. Hein? Lundi matin, 7h. Ben oui, 7h. Quelle belle heure, comme toujours. Restez sur nos ondes parce que tantôt, après l'inépuisable sécheuse, il y aura CNX.zip où je vais récapituler les chroniques CNX d'assemblage requis de la semaine. À 11h, sera le dîner de con avec Danny Janvier. À 13h, le retour de Kim Bergeron et son émission 6 degrés. À 14h, nouvelle co-animatrice pour les palmarès et fous. Je vais animer avec Jasmine Raymond-Dravis cet après-midi. Entre 14h et 17h, soyez là. Après ça, la sécheuse. Hein? La spirale est à 18h, Sky Polka à 19h. Et nouvelle case horaire pour l'émission Le Cortex avec notre ami Maxime. Prends-le-vous, évidemment. Ça, c'est à 21h, une émission de musique électronique. N'oubliez pas d'écouter les meilleurs moments de C'est Fou dans Le Meilleur de C'est Fou. C'est vendredi matin à 6h et samedi à midi. Passez une excellente fin de semaine. Merci, François. Merci, Mathieu. Merci, Simon Fitzbay. Merci, messieurs. Merci, François-André. Merci. Plaisir, messieurs. Merci à vous, les requins. Bye bye. Bye bye. On se quitte sur une pièce que ça fait longtemps qu'on n'a pas entendue. Mauve. Mauve. Oh. Avec Annie Hart. Yeah. Oh. Bye. Have a nice weekend. Je vous citerai en français, vous dis bonne fête de semaine. sont pas.